voilà, petite clope. Ah, j'ai enfin fini. C'est du boulot. Et j'aimerais que le truc se publie bien. Voilà, j'avais fait une erreur. C'était pas moi aussi. Je me disais 2 milliards. C'est des gros chiffres, mais 2 milliards pour un seul artiste qui travaille même 20 ans derrière. C'était 200 millions. Voilà, j'avais fait une erreur parce qu'en fait, le dernier tableau reprenait les chiffres pour une simulation de 10 personnes. Donc ça multiplié par 10, 200 millions deviennent fois 10, 2 milliards. Donc grosse erreur parce que évidemment c'est pas du tout la même chose. Et j'avais fait ce tableau sur 10 pour expliquer comment il était possible de convaincre les grands actionnaires de travailler avec nous. Alors, où j'en suis maintenant, premier bilan. Là, pour l'instant, il y a François qui va écouter cet enregistrement et qui va me dire si c'est publiable ou pas en interne. S'il me dit c'est bon, on comprend bien, ça pue l'arnaque, mais une fois qu'on le verra dans les bureaux, une fois qu'on voit le cadre, une fois qu'il y a les premières ventes, que les gens reçoivent les chèques, que les commerciaux reçoivent les vendeurs, que les clients viennent nous voir en disant mais c'est où, c'est quoi cette société qui rachète les tableaux 20 ans plus tard, 4 fois le prix, qui va nous enrichir. Dès qu'on a les premières ventes, c'est bon. Évidemment, au début, on sera juridiquement parfait. Ensuite, l'équipe. Et puis après, ça va très vite. Vous savez, dès qu'on salarie une personne, on a la responsabilité de sa vie quasiment. Donc après, il faut assurer. Alors, premier bilan, c'est quoi? J'ai contacté quelque chose comme 700 artistes en y allant tout doux, quoi. 700 artistes qui sont au courant. J'attends beaucoup de réponses parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai fait des actions. J'en ai envoyé 100, 200 le même jour. Et le temps que les gens le répondent, ben, il y en a 3 tel jour, 2 tel jour, etc. Faut que je rencontre les gens de la maison des artistes pour qu'ils soient présents et payés dans le projet. Des associations, des collectifs d'artistes. Après, trouver les artistes, ça va très très très vite en fait. Et pour être franc, j'ai fait en sorte de pouvoir commencer à travailler dès aujourd'hui avec beaucoup de commerciaux, avec un seul artiste. En fait, grosso modo, il a peut-être 500 photos exposées dans le monde. Et il en a peut-être 5 000 de valables à vendre. Donc ça fait 5 500. Si on fait des tirages de 40 exemplaires, pour être raisonnable maximum, tous les 4-5 ans, bon ben voilà, vous avez fait le tour. Ça veut dire que j'ai déjà un stock de plusieurs millions d'euros possibles. Et là, c'est juste les vendeurs qui ne suivent pas, vous voyez. D'ailleurs, je pense qu'au début, en fait, on va juste vendre. Peut-être une dizaine d'artistes, un qui fait un dessin, un qui fait de l'art brut, un qui fait du pollock, un qui fait de l'huile, un qui fait de la photo, un qui fait de l'installation, un qui fait de l'hyper contemporain, du minimaliste, pour qu'il y ait un peu de tout dans le catalogue, et aussi qu'on voit, bah déjà qu'on fasse la culture générale des commerciaux, qu'on voit ce que les clients achètent plus, parce que mine de rien, on a quand même. Contrairement aux autres manifestes artistiques qui sont pacifistes, nanana, eux, ils veulent que ça réussisse, ils définissent un idéal. Nous, on peut réussir et à partir de cette réussite, définir un idéal meilleur. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Parce que c'est un peu malhonnête ce que je fais, de pas vous expliquer. Ben, ça veut dire que par exemple, une personne qui fait de la performance, comment vous dire? Klein. Klein, le bleu Klein, il n'est pas venu au monde, il vient d'arriver, il vient voir Art Valor, il veut nous vendre ses trucs bleus. Il nous explique ce que c'est, évidemment, on l'accepte, on comprend ce qu'il nous dit. Mais les clients et le vendeur, ils comprennent rien. Qu'est-ce qu'on fait des bleus clins? Ils ne se vendent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Vraiment, c'est une bonne question. Tout en sachant que c'est des œuvres géniales et que commercialement, on devrait les refuser, mais on les accepte quand même parce qu'on est éthique et que le but, c'est d'accepter tout le monde. On est bien embêté, n'est-ce pas? Bah, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est simple. Avis. L'artiste a le droit de déposer une centaine d'œuvres dans notre base de données, être référencé, profiter de nos outils internet de spéculation, vous voyez, pour voir ce que vaut son œuvre en fonction des likes, des commentaires positifs, du nombre de vues sur internet, de la notoriété. Mais par contre, on vendra pas. Son stock mensuel et annuel, parce que ça ne se vend pas. C'est-à-dire qu'il restera dans la collection, on l'a accepté éthiquement, mais on ne peut pas mettre les forces de vente dessus parce que les types se cassent les. Puis si un jour ça remarche, et ben ça se verra sur Internet que ça remarche et là on le revend. D'accord? Moi, j'ai pas. Je suis contrairement aux autres. J'ai travaillé par exemple avec une personne qui travaille très bien, qui fait une galerie d'art et un collectif d'artistes et qui maintenant expose à la FIAC et qui se développe bien et qui a une vision juste de l'art contemporain et qui vous connaît de belles œuvres, me fait découvrir de belles œuvres. Ben, il m'a dit, on va pas prendre tout le monde. Je lui ai dit, c'est clair, on va pas prendre Coquelicot, nanani, nana. Ben, néanmoins, c'est bête de penser comme ça. Tout simplement parce que le client, s'il est content d'avoir des coquelicots, l'artiste est content d'avoir peint des coquelicots, et le vendeur ne se rend même pas compte que les coquelicots, c'est moins bien que les bleus clins. Bah, autant les vendre. Surtout qu'on les vend au prix, au bon prix. On les vend pas au prix de l'arme d'un clin, on les vend au prix normal des coquelicots. Bah, tout le monde est heureux. C'est ce que je dis toujours. Je suis pas là pour défendre l'Académie des Arts, je suis là pour défendre la vie. Quoi d'autre? Donc là, je recrute les artistes. Pour l'instant, j'en ai une soixantaine de sélectionnés. Et déjà, ça fait un grand. Alors, avec ça, de toute façon, je ne commencerai pas tant que j'aurai pas des grands noms d'artistes qui me soutiennent. Pour l'instant, j'en ai. 4, 5 qui peuvent dire bah nous on est des grands artistes, on est vendus à la FIAC ou ailleurs. Il y a par exemple, je tiens particulièrement à recruter Aaron Weiserfeld, Weisenfeld, c'est le meilleur peintre que je connaisse, il est juste immense. Des artistes que je connais comme Zeus, Motu, vous voyez des noms un peu cool quoi. Après, il y a des gens beaucoup dans le lot. Je fais en sorte qu'il y ait un peu de tous les types d'art. Et aussi, j'ai fait en sorte qu'il y ait un débutant. Hein, pas des débutants, mais des gens qui commencent un peu la peinture en espérant un peu et qui se disent ouah, si ça pouvait se vendre. Mais ce que je sais, moi, c'est que si ça se vendait. Bah, en 1 ou 2 ans, ils deviennent maîtres, hein, parce qu'ils font que ça, ils font que ça, ils font que ça, et ils gagnent de l'argent, et voilà, ils sont bien. Donc, humainement, prendre des artistes moins bons que les autres, reconnaître qu'ils sont moins bons que les autres, du coup les vendre moins cher, du coup avoir, quand on va chez le client, des produits moins chers, mais collectionnables, sur la même valeur, voilà, cet artiste, il a fait un tableau. Nous-mêmes, on sait très bien, parce on essaye de travailler avec les plus grands maîtres, on sait très bien que c'est pas un tableau majeur, donc il est vendu en tant que tel. Par contre, il appartient à la collection Art Valor, la collection du réel, qui s'inscrit dans l'histoire de l'art, et ce qui sera racheté aussi 4 fois le prix. Voilà. On laisse la chance à l'artiste. C'est une question de goût, on va pas. Il y a le talent. Quelquefois, je vois un artiste, je dis, ben lui, je sais que c'est un feignant. aussi qu'il se fout de la gueule des gens, quoi. C'est clair, il se fout de sa propre gueule, il se moque de lui-même. Bah, lui, on prend pas. Les artistes un peu méchants, égoïstes, durs, secs, etc., je peux vous assurer, messieurs, dames, que je ferai bien attention à ça en posant tous les pièges possibles et inimaginables afin de savoir si la personne est bien ou pas. Bon, sans un exemple, est-ce qu'il est pour ou contre la peine de mort? C'est un exemple. Hein. Parce que moi, je suis contre la peine de mort et je peux vendre l'artiste d'une personne qui est pour la peine de mort. Mais bon, c'est un exemple. Hein. Et je poserai des tests pour voir si la personne n'était pas complètement opposée à Artvalor. Pour être sûr qu'il n'y ait que des gens sympas, en fait, humainement. Et comme ça, la collection aussi aura un sens. On dira, c'est quoi cette collection? C'est aussi une collection où le sélectionneur a fait en sorte que, selon lui, tous les gens étaient sympas. C'est intéressant, moi, intéressant, quand je suis tombé fan de Klaus Kinski, si j'avais vu sa vie, vous voyez, j'aurais été un peu moins fan. Bon, c'est un thème, hein. C'est un thème. Faut-il vendre des ordures quand on est dans une logique d'assainissement de la vente? Bonne question, hein. J'aimerais bien travailler avec Mathieu Tremblin sur l'éthique, que lui est très pointu et très exigeant là-dessus. Et je sais qu'il posera des barrages plus que même n'importe quel artiste. Et j'invite évidemment tous les artistes à réfléchir sur le sujet parce que ce sera à terme la présentation d'une œuvre collective jusque dans son fondement, dans ses fondements, dans ses statuts. Tout soit sain et démocratique, quoi. C'est, on fait une démocratie, on ne met pas huit tyrans pour gérer la démocratie. On met des démocrates. Voilà. Quoi d'autre? Donc les artistes, c'est bon. J'ai trouvé un pour être sûr qu'on puisse commencer à travailler, de trouver 60 pour pouvoir montrer le projet aux financiers en disant qu'on a un plus gros volume d'affaires et puis pour aussi pour que eux tombent sur une toile plus plaisante qu'une autre et disent, ah bah autant le projet je voulais pas le défendre, autant cet artiste là je vois sa toile, ouais ça me plaît bien. D'accord, donc j'en ai mis 60. Je pense que dès que le top sera lancé, j'en aurai assez vite 400 artistes, et là on pourra commencer l'année tranquille. Il faut savoir que tous les artistes, je leur demande de me présenter le plus d'artistes possible pour que ça grandisse très vite. D'ailleurs, dès que les artistes gagneront de l'argent, qu'ils disent pas justement ouais, tu vois, je suis enfin l'élu d'un truc auquel tu peux pas appartenir, va te faire foutre. Non. L'artiste dira, ben tu vois, je suis élu dans un truc où tu peux appartenir, viens gagner de l'argent aussi. De toute façon, je vais vous dire, hein, dès qu'on a 400 artistes et qu'on commence à bien vendre les toiles, après on peut acheter immédiatement des packs de 2500 commerciaux. Voilà, on achète. Et là, très vite, on se retrouve à court de toiles. Donc, moi, il faut le plus d'artistes possible. Après, évidemment, je pense qu'il y a un moment donné où on atteint un maximum national. Et mon but premier, c'est ça peut être clos en cas de réussite franche, ça peut être clos en 5 ans en vrai. En 5 ans, on est dans un rythme qui fait en sorte que sur le marché, on est très bien positionné. Les gens vont chez nous au lieu d'aller chez les galeristes et, parce qu'ils savent qu'on a une garantie unique, qu'on fait les choses très sainement, que tout, lorsqu'il a acheté la toile, a été fait. D'ailleurs, ces enregistrements, je les fais aussi pour qu'un jour, la forme changera peut-être au fil du temps, certainement même, mais qu'un jour les gens voient que c'était ça, le début de l'élaboration du truc. À un moment donné, il y a une sorte, à mon avis, parce que 250 000 clients par mois, ça c'est ce qu'ils voient déjà les commerciaux. En 4 mois, on a vu 1 million. En un an, donc, on a vu 3 millions de clients. Déjà, on en a piqué pas mal aux galeristes. On a piqué pas mal de budget collectionneur aux galeristes. On en a créé des nouveaux. On peut encore travailler 2-3 ans là-dessus, vous voyez, avec des nouveaux clients, puis plus des clients qui rachètent. Parce Vous savez, quand ça marche, après, c'est racheté, c'est racheté, c'est racheté. Oh. Allez, petit briquet. Par contre, au bout de 4-5 ans, on ne peut plus recruter trop d'artistes. Pourquoi? Parce que on aura des très très très bons commerciaux qui vendront si bien que les petits commerciaux vendront moins, etc. Du coup, il y aura des limites, mais ces limites, je ne les connais pas encore. Combien d'artistes, combien de vendeurs? Je ne sais pas encore. Nationalement, en cas de véritable réussite, je ne sais pas. 10 000 commerciaux, ça veut dire, je ne sais pas, on ne sait pas encore, on va voir. Mais ce que je sais, c'est que très logiquement, à terme, on aura des très bons commerciaux spécialisés qui nous expliqueront comment travailler différemment, comment plutôt vendre des stocks, qui s'orienteront vers les musées, etc., pour couvrir tout. Je pense qu'au bout de 4-5 ans, ces commerciaux-là seront capables de, avec nous, enfin, dans une logique de réconciliation, d'aller voir les galeristes, de dire on sait exactement dans quelle situation vous êtes, on vous rachète des stocks. Donc tous les artistes qui sont dans votre galerie et tous les tableaux disponibles, on vous les rachète selon nos conditions. Alors là, il faut voir combien gagne l'artiste, combien gagne le galeriste, il y aura une nouvelle offre pour réintégrer le marché. Et du coup, les galeries seront juste des lieux d'exposition qui utiliseront nos services de vente dans d'autres logiques, parce que le recrutement des artistes, ben, c'est eux qui l'assurent. La formation des commerciaux, elle existera toujours, mais enfin, bon, vous voyez, on se récupérera à droite à gauche pour faire en sorte de pouvoir commissionner l'artiste à ce taux-là, mais aussi le galeriste sur d'autres structures. Mais ceci dit, le galeriste avait qu'à se réveiller. Lui, ça l'intéressera de vendre les. Faudra voir. On aura des. Il nous confie des stocks. Ça fait en sorte que l'artiste a tout d'un coup enfin du cash. On verra. Mais on négocie en tout cas en position de force, pas en position de faiblesse. Tout simplement parce que vous avez fait combien par mois, cher galeriste? 24 000 euros. Bon, ben, on vous loue votre galerie 50 000 euros. Ça va? Ah ouais, ça va. C'est bon. Celui qui veut pas, qui a la haine contre Art Valor, il y en aura toujours. J'ai vu un galeriste, il m'a dit, vous venez de la finance, revenez-y. Je vais vous dire, les artistes pensent exactement la même chose des galeristes. Alors, on fait quoi? C'est éternel? L'artiste est le va-nu-pieds du galeriste, très mal considéré. Pour nous, dans la finance, le galeriste, excusez-moi, mais c'est un va-nu-pieds aussi. Donc, qu'il ne fasse pas les malins avec moi, en tout cas. Quoi d'autre? Ouais. Comme on a un engorgement national à un moment donné, au bout de 5 ans si ça marche très bien, au bout de 10 ans, 20 ans si ça marche lentement, les toiles en fait de la collection de la Maison France, là, 90% des artistes qui ne se vendent pas, qu'on essaye de ramener et dont on a par exemple 40%, c'est une collection européenne significative. Donc cette collection, en France, elle est vendue par Art Valor. Par contre, en Europe, elle sera vendue par Art Valor Europe avec d'autres conditions. Beaucoup plus cher, pas de garantie, c'est juste la collection pour vendre la collection, etc. Après, peut-être on étend la garantie à l'Europe, etc., etc. Mais en tout cas, à un moment donné, et c'est pour ça qu'il faut que cette collection soit éthiquement très juste, mais très significative aussi, pour que le monde puisse l'identifier ainsi. Voilà. Quoi d'autre? Alors bientôt, comme j'ai les artistes, je rencontre les financiers qui m'ont demandé de monter le projet, d'où les tableaux Excel. Les tableaux Excel pour l'instant sont à 100% faits pour convaincre les grands financiers que l'artiste est capable de donner 66% de marge. 64. Ce que l'artiste trouve scandaleux va plutôt être son grand joker pour être accepté par des grands groupes financiers Et donc là, être au-dessus de la spéculation artistique elle-même. Les types, ils ont construit la France, la bourse, etc. Donc, pour eux, la fiac, c'est du petit lait. C'est du petit lait. Vous voyez. Donc vous négociez immédiatement avec une personne de ce volume-là. Donc bientôt la réunion, première réunion de représentation, moi et un décideur qui donnera un premier feu vert. Ensuite, rencontrer les artistes un par un, les premiers artistes. Hein. J'ai déjà rencontré le premier qui nous assure la base et qui déjà nous assure plusieurs millions en fait de gains. Donc là, je suis rassuré, mais bon, rencontrer les autres artistes dans cette logique aussi, en leur disant si tu ne trouves pas ça bien, explique-nous pourquoi et propose-nous un truc éthiquement mieux. Tu verras que ça ne marche pas nécessairement commercialement et que c'est. Voilà. Et par contre, si ça marche, ben c'est intégré. Une fois que j'aurai rencontré individuellement tous les artistes, en leur expliquant, et je vous assure que des artistes de haut niveau, en entendant ce montage, ils acceptent. Alors les artistes un peu débutants qui commencent, ils ont tout intérêt à accepter. Et ceux qui sont entre deux en stand-by, essayez un an, vous verrez, vous ne regretterez pas. Une fois que j'ai rencontré tous ces artistes, que j'ai un nombre suffisamment important pour que le stock d'œuvres d'art et la capacité de création mensuelle soient conséquentes, une fois que j'ai ça, ben j'ai un chiffre. Voilà, chers messieurs les financiers, on parle de 13 millions d'euros avec, on va dire un exemple plus simple, on parle de 100 millions, 10 millions d'euros avec 3 millions pour vous. 3 millions pour le fournisseur et ah non, 3 millions pour vous et pour nous, 3 millions pour le fournisseur et 3 millions pour les commerciaux. Ben là, ils vont tout de suite dire, ah, enfin, on va avoir du cash avec un très bon produit à donner à nos commerciaux parce qu'ils ont du mal à travailler en ce moment. D'accord? Et du coup, ils vont prendre le produit parce que les commerciaux vont rester dans leur société parce qu'ils feront du chiffre. Ils n'iront pas voir la concurrence. Parce que eux-mêmes font du chiffre et que le produit leur permet une porte d'entrée chez des clients pour vendre d'autres choses par la suite. Éthiquement, on peut voir d'ailleurs quels seront les autres produits par la suite. Nous aussi, on peut aussi imposer ça. Mais je connais les meilleurs, je vous expliquerai. Je ne peux pas tout dire sur Internet. Parce qu'il y a des secrets de fabrication. Là, je vous ai donné 90%, 50% des secrets de Art Valor, mais ça représente 1% des secrets de la haute finance, quoi. Okay. Quoi d'autre? Alors, la réunion avec les décideurs, j'ai vu le décideur, il est d'accord. Je vois les artistes, ils sont d'accord. J'ai un chiffre d'affaires là. C'est simple, on va faire une première réunion avec tous les artistes ensemble cette fois-ci qui travaillent avec nous et l'équipe de Art Valor et Diam Valor et on va vous expliquer comment on va travailler plus précisément. Moi, je vous explique mes choses, mais eux vous expliqueront leurs choses. Bon, c'est souvent des millionnaires qui vont venir travailler avec nous, en fait. C'est très intéressant que les artistes rencontrent les millionnaires, d'ailleurs. Et que les artistes deviennent millionnaires aussi grâce aux millionnaires. Pourquoi pas? Donc, il y aura cette réunion. Je pense que je paierai des intervenants prestigieux aussi pour vous expliquer. Il y a déjà des fonds qui sont débloqués pour cette réunion-là. Ça, j'ai déjà la chose faite. Ah oui, il y aura donc les financiers, les commerciaux, les artistes, et on parle. On se présente, on commence vraiment, et là, les ventes commencent. Ben voilà, c'est bon. Ensuite, L'artiste a juste à faire le nombre de toiles qu'il nous a promis par mois. Le photographe à nous fournir donc les formats photos pour qu'on imprime les photos qui sont vendues. Et puis les commerciaux, les artistes, Diam Valor, Art Valor, sont payés. Et bon, voilà, tout commence à partir de là. Que vous dire de plus? Peut-être une conclusion quand même. Ouais, le nez, le ça n'est, ce je n'ai pas nécessairement une haine farouche contre les galeries et les marchands d'art et le marché de l'art. Bien au contraire, je m'inspire, par exemple, de Pierre de Beaubourg pour sa vente patrimoniale, cette famille d'artistes qu'il a su tisser, avec une intellectualisation, avec des critiques d'art comme Restany, des artistes qui savent choisir des artistes et qui sont marchands et qui développent le marché de l'art en prenant les meilleurs. Ça, je suis tout à fait dans cette logique-là. La logique de Gagossian qui est dans la vente flash pendant les salons avant même le vernissage. Je suis aussi tout à fait dans cette logique-là. Sauf que Gagossian, lui, a amélioré le commerce des œuvres d'art, là où moi, j'ai plutôt dit qu'en fait, il y avait une catégorie professionnelle qui était beaucoup plus élevée, beaucoup plus développée, beaucoup plus compétente et une vraie, vraie armée de vendeurs. Et donc, bah, je fais un peu un update au-dessus de lui, qu'il m'en excuse. Je sais qu'il fait. Fondamentalement, en faisant le projet, plus je l'élaborais, plus je comprenais comment faisaient les autres. Jusqu'au moment où je me dis, ah bah tiens, là, je vais les dépasser là-dessus, je vais les dépasser là-dessus, je vais les dépasser là-dessus, je vais les dépasser. Voilà, c'est très simple. Ce projet vient aussi parce que j'ai entendu des commerciaux, tous, me dire c'est dur. Pourtant, c'est exactement comme les artistes. C'est-à-dire que les artistes ont du talent, ils ont de l'or dans les mains. Mais la conjoncture fait en sorte qu'ils ne vendent pas leur tableau. Maintenant, j'ai trouvé 2500 vendeurs pour eux, minimum. Les vendeurs, pareil. Bah, ils ont de l'or dans les mains, dans la voie, parce qu'ils savent vendre, ils savent vendre, mais ils n'ont plus rien à vendre. Bon, bah voilà, je leur apporte le produit. Un des produits. Après, je fais aussi de la haute finance, mais bon, c'est autre chose. Eh bien, tout ce projet vient de la souffrance des autres, mes propres souffrances aussi. En tant qu'artiste, j'ai vu que c'était dur de vendre ces œuvres d'art, même quand elles sont très bonnes, vous voyez. Donc c'est un grand défi, un très très très grand défi, avec des très très très gros chiffres. Et en tout cas, une conjoncture parfaite pour nous. Voilà, coup de chance. Il suffisait de voir ça. Il suffisait de voir que les CGP, conseillers de gestion de patrimoine, meurent de faim, bientôt, de plus en plus, et les artistes depuis tout le temps. Voilà. Et de savoir que les uns et les autres étaient totalement compatibles, parce qu'ils ont les mêmes clients. Que les artistes ne savent pas vendre. Et que les vendeurs cherchent des clients, peuvent chercher des produits avec le meilleur taux de commission possible. Ben voilà, la conjoncture est parfaite. Du travail, du travail, du travail, du travail. C'est simple, travailler qu'avec des gens positifs et avoir des résultats positifs. Et là, se dire, bon, bah, c'est bon, on y a cru, on a avancé, on a enfin des résultats, ça tourne tout seul maintenant. Après, bon, il y a toujours des coups durs, un artiste qui porte plainte. Un client qui a taché une toile et qui dit ben non, je ne l'ai pas taché. Un postier qui fait tomber un cadre et qui nous dit ah, j'ai plié le truc en deux, comment on fait, etc. Justement, le fait de travailler avec des artistes, c'est plus cool. C'est pour ça que je veux que les commerciaux, les artistes, etc., travaillent ensemble pour que les artistes donnent un peu de côté cool aux commerciaux et que les commerciaux donnent un peu d'argent aux artistes. et de confiance, et donc et aussi de pouvoir se développer artistiquement. Parce que quand on gagne 57 000 euros par mois, on peut évidemment prendre des assistants, un atelier, fournir plus de séries, etc. J'essaye de voir un peu tout. Les points négatifs, pas de lieu pour exposer, ben, on voit tout de suite le mur du client, donc on sait mieux le conseiller. Un vernissage, c'est quoi, grosso modo? Aujourd'hui, hein, dans une petite galerie qui marche à plus ou moins, c'est quoi? C'est 200 personnes maximum qui viennent, un qui achète, dans le meilleur des cas, d'accord? 199 qui viennent boire le vin gratos. Quelquefois, ils regardent même pas l'œuvre ou ils la survolent, ils essayent même pas de la comprendre. Ils sont là pour draguer, se faire des potes. Et voilà, le galeriste a perdu son temps. Bon, ça fait vivre la vie culturelle française. Ben, génial, ils le font. Bon, ben, c'est bien, hein. Moi, je le fais vivre dans le foyer. Ils le font vivre dans la rue et c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais bon, comme nos commerciaux qui cherchent des clients tout le temps vont évidemment placer des œuvres chez les restaurateurs, dans des hôtels, dans tous les lieux publics, les commerciaux pourront même, en fait, en vrai, négocier avec les galeristes pour vendre sur ces conditions, parce que le commercial, comme il a 33%, il a aussi une marge de négociation énorme. Il peut faire moitié-moitié avec un galeriste pour vendre un stock. Vous voyez? Le galeriste, s'il marche pas, il dit, bon, bah ouais, c'est vrai, c'est pas mal, parce que du coup, je peux assurer la garantie. Il y a des galeristes aussi qui diront, bah moi, je veux travailler avec votre garantie, mais trouvez-moi des marges, des margeages, quoi. Alors un artiste peut dire, ah ben moi ça m'intéresse d'exposer chez lui si je lui donne une bonne commission. Donc l'artiste et le vendeur là se disent, bon ben on prend sur notre part, on a 66%, on donne 6, 10%, 20% au galeriste, on choisit la galerie. Et du coup, vous savez, quand un vendeur vend à un galeriste un artiste, il sait mieux le faire que l'artiste lui-même. Pourquoi? Parce que il y en a qui seront spécialisés dans ce type de vente, etc. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je critique les galeries que je ne les aime pas. Par contre, beaucoup, très vite, vont dire, ah, parce que j'ai eu un discours radical, ils ne m'aiment pas. Bon, ben, ça me console de savoir que ces galeristes, de toute façon, n'aimaient pas les artistes. Et s'ils me disent, si on les aime, je dis, ouais, vous en aimez 10 et vous en délaissez 150 milliards. Des enfoirés, point barre. Donc pas de leçons à recevoir d'eux, mais pas de haine non plus. Je pense qu'à terme, on travaillera évidemment avec eux. Et par contre, oui, on leur pique le marché, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. On leur pique les clients avant même c'est-à-dire le premier, il fait le vernissage le 30 janvier. Bah, nous, du 1er au 29, on a déjà vu les clients, quoi. Donc ces clients qui arrivent, logiquement à terme, au bout de 5 ans, les clients, quand ils arrivent chez lui, ils lui disent, oh, c'est dommage que tu ne fasses pas cette situation de rachat. Ah, c'est dommage que tu sois aussi cher, parce que nous, tu sais, on achète des tableaux beaucoup plus beaux, on sait qu'on gagne de l'argent avec, et ils sont beaucoup moins chers, et c'est des artistes qui avaient besoin d'argent. J'aimerais bien savoir ce que répondra le galeriste à ça. Alors le galeriste dira, ouais, mais nous, on est sur la qualité. Bah nous, dans la quantité, je vais vous dire, si on ne trouve pas la qualité, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, sur les 60 artistes que j'ai choisis, je prends un tableau de chacun d'entre eux, je le mets chez moi, c'est juste une merveille. Et pourtant, il n'y en a aucun, il y en a quelques-uns qui sont à la FIAC, ou il y en a un, il est au musée de. Bon, il y en a un, c'est le plus grand peintre du moment, j'ai de la chance. D'ailleurs, c'est le plus grand siècle du moment, mais pour longtemps d'ailleurs. C'est simple, cet artiste peintre, c'est Lucian Freud psychanalysant Balthus. Voilà. Merveille. La continuité merveilleuse, quoi. En termes de style, en termes de dire, etc., c'est un génie. Un génie. On a un génie déjà. Donc les galeristes ne l'ont pas, moi je l'ai. Bonjour. Donc sur la qualité, ils pourront rien dire. Ensuite, les concurrents, la FIAC, nanani. Ben, la FIAC, c'est simple. Quand elle fait une journée d'expo, par exemple, elle a 200 000 visiteurs par jour. Nous, c'est ce qu'on a en un mois. Mais la différence, c'est que nous, nos visiteurs, nos clients, c'est des vrais clients. Alors que eux, sur les 200 000, il y a 180 000 Trent Savate, dont moi. Hein. Trent Savate, c'est-à-dire pas du tout là pour acheter. Là pour. D'ailleurs, souvent, quand je vois les artistes, ils y vont. Pourquoi? Pour se dégoûter un peu plus des prix, du marché, de l'exclusion, etc. Quoi d'autre? Ensuite, il y a les salles de vente. Ben, eux, ce sont nos seuls et uniques concurrents avec les très, très, très, très grands marchands d'art qui ont le listing et une base de vendeurs. D'ailleurs, Gagossian, en un sens, il n'a pas besoin de 2500 vendeurs, il a juste besoin d'avoir le bon mailing list et d'envoyer un email. Et après, c'est les types en télémarketing qui peuvent faire la vente. Bon, bah ça, c'est mieux qu'un vendeur, ça coûte tout, vous divisez les prix par 100, hein, quasiment. Hein. Bon, bah à terme, nous aussi, évidemment, on aura une très très grande base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un vendeur vend à un client, si le client rachète chez nous par le site internet, le commercial a sa commission à vie sur ce client. Mais par contre, la vente sur internet, là, je vous le dis tout de suite, comme elle ne se fait pas trop, pour l'instant, c'est spéculatif. Donc c'est les vendeurs qui vont le faire. Et même les galeries qui vendent sur Internet, ils vendent pas tant que ça. Ils vendent un peu, mais pas tant que ça. Et par contre, une fois que Art Valeur sera connu, que les clients sauront qu'il y a une garantie de rachat de 20 ans, ils auront tout intérêt, compte tenu de la quantité du stock, ils auront tout intérêt à venir acheter chez nous. Donc au lieu d'appeler le commercial, ils auront juste à aller sur le site Internet. D'ailleurs, les commerciaux pour recruter aussi, pour trouver leurs vendeurs, ils iront évidemment dans tous les vernissages en distribuant leurs cartes, en expliquant ce qu'on fait, etc., sous le nez du galeriste un peu hébété, mais ils n'avaient qu'à l'inventer. Encore une fois, c'est un manque de cœur qui leur a fait avoir un manque d'intelligence. Ok? Pourquoi je dis ça? Donc, ouais. Bah, j'ai oublié. Donc les cartes, ah oui. Donc j'achète une œuvre en tant que collectionneur chez Art Valeur parce qu'un commercial est venu chez moi. Je vais tous les jours sur le site ou tous les mois pour voir l'évolution du prix. Oh tiens, il y a une personne hyper intellectuelle qui a été payée 7 euros pour écrire un commentaire sur une œuvre que j'ai chez moi. Donc je regarde le tableau et je lis le commentaire et je me dis, oh là là, c'est pas possible, je n'avais pas vu ça. C'est vrai, il a raison. C'est génial. L'œuvre qui est chez moi, elle est connue sur Internet avec des mots intelligents et profonds, etc. À ça, l'artiste peut répondre. Ah non, en fait, quand vous parlez de mon noir profond, en fait, c'est juste pour une question de contraste, c'est pas pour parler de la vie et de la mort. Un vrai débat sur l'œuvre, chef-d'œuvre. Alors le client, il va sur le site Internet. Alors il y aura un site Internet pour chaque œuvre, enfin, une page Internet pour chaque œuvre, avec les statistiques de tout Internet. C'est-à-dire que si l'œuvre, elle a été likée sur Facebook, le type le saura sur sa page. Si elle a été likée, si elle est 10 000 fois référencée dans Google, dans des blogs, il le saura. Si elle a été commentée tant de fois, il le saura. Il aura toutes les statistiques. Le nombre de vues par semaine, etc. Le nombre de likes de temps en temps, tous les trimestres. On lui enverra une newsletter de son œuvre d'art en disant, voilà, votre œuvre d'art en est là. Elle a été vue tant de fois, etc. Ah, il dit c'est bien, mais du coup il retourne sur le site, et puis du coup, un jour il en rachète une. Et le commercial, il dit, putain, je vous ai apporté le vendeur, est-ce que je peux gagner encore sur ce vendeur? Bah si le vendeur, si le client a été démarché par un commercial, bah oui, parce qu'il est rentré dans la base de données par ce commercial qui touchera pas cette fois-ci 33%, mais qui touchera beaucoup moins, parce qu'il n'a pas à se déplacer, c'est une vente beaucoup plus simple pour lui. Hein. Et là, cette fois-ci, ben, c'est la partie informatique. Donc là, c'est des salaires, des gens, un capital d'entreprise qui assure la stabilité de la société sur le très long terme et qui, du coup, intergénérationnellement assurera des emplois et donc fera en sorte que petite société dans la nation européenne, dans l'Occident, Ben, elle vit bien, voilà. Une entreprise en plus. C'est bien, c'est chouette. Donc le client achète l'œuvre. Il a les mêmes sur Internet, il a les mêmes conditions, etc. Et donc, je dis tout ça pour expliquer qu'on aura, comme Gagossian, les mêmes à terme, parce que les commerciaux nous auront apporté une grande base de données d'acheteurs et de potentiels acheteurs. On aura des mailing lists de folie et qui seront parfois un peu les mêmes clients que Gagossian, mais parfois des clients d'une classe sociale un peu inférieure, mais qui en tout cas aiment l'art, autant que ces gens aient de l'art. Pourquoi il faut attendre qu'ils achètent les coquelicots au marché, son moyen, ou ne puissent pas acheter à la FIAC une œuvre? Là, on leur propose un truc entre les deux. La middle class, un peu plus que la middle class aussi, seront nos clients, mais au fur et à mesure, les commerciaux vont augmenter, monter, monter. Art Valor et le manifeste très éthique aura une sorte de résonance qui fera en sorte que les clients au fur et à mesure seront meilleurs. Et donc voilà, on sera au même niveau que les autres, sauf qu'on aura un produit bien meilleur et qu'on aura beaucoup plus une collection bien plus représentative de l'humanité artistique d'aujourd'hui. Voilà, alors je clôt, les fondateurs, pour l'instant on est deux, il y a François Corvol et moi, c'est lui et moi qui décideront qui seront les autres fondateurs pour Art Valor. Pour les autres sociétés, les commerciaux, c'est réglé, ils sont à leur compte, la société qui le recrute, ils gèrent, mais pour Art Valor seul, pour l'instant on est deux, dès qu'il y aura les premières ventes, on aura... Appelez vos neveux et nièces parce qu'on aura besoin d'informaticiens, de secrétaires, etc. Comme vous le voyez, on n'a pas besoin de commerciaux, ça c'est réglé. Et puis aussi certainement des gens le plus intelligents possible pour faire en sorte que la formule évolue. Voilà, là je crois que j'ai parlé 1 heure, c'est juste catastrophique d'avoir à entendre un truc 1 heure. Ben, à écouter au fur et à mesure. Alors ce premier enregistrement est uniquement pour François, mais il est aussi pour à terme, quand la société marchera, ben pour montrer une trace de l'impulsion du premier projet. Si François, par exemple, qui ne connaît pas encore le projet, il va le découvrir mathématiquement et vocalement maintenant, puisque je vais faire stop et que je vais lui envoyer cette page internet. S'il me dit Laurent, c'est complètement bidon, ben on arrête et on réfléchit à deux à comment faire. Et on a déjà un artiste plus Aaron Weatherfield, donc on a déjà deux bons artistes. Et on commence selon la matière dont il veut commencer et dont je veux commencer. On peut ajouter des trucs, on peut retirer des trucs, on peut tout changer, etc. Mais je pense que un projet comme ça ne peut pas être pensé seul, être têtu et amener les gens. Il faut vraiment soit que les gens disent c'est bon Laurent, ça marche et on y va, soit que les gens disent c'est pas bon et on doit revoir. Voilà. Bisous à François. Et évidemment, une fois que il l'aura entendu, je lui demanderai si c'est valable de le faire écouter à d'autres gens. Si c'est valable de le faire écouter aux autres artistes, il faut savoir que quand j'explique la chose en face à face avec un artiste, j'ai 90% de réussite. Ça marche, c'est bon, j'arrive à le convaincre. Par contre, la page internet avec le tableau et la manière dont je le raconte, peut-être c'est pas du tout convaincant. Peut-être que c'est le mécanisme inverse, parce que la lecture est pas la même. Et là, je l'écris, je le, c'est pour ça que. Je l'explique d'une manière interne et c'est pas l'animation en flash qui explique ah bonjour acheteur oui quel est, vous voyez, le beau truc pour que l'artiste ait envie le truc publicitaire pour que l'artiste ait envie en sachant le moins possible en venant au bureau et là on lui met la blinde pour qu'il accepte. On a tout intérêt qu'il accepte, il a tout intérêt d'accepter aussi. Non, là c'est un peu, c'est pas vendeur la manière dont je l'ai fait, mais j'aimerais que quitte à le refaire, toutes ces choses soient dites, que rien, il y a beaucoup de répétitions, d'hésitations, mais que rien ne soit, que tous ces concepts, à peu près, si on les retient, soient dits de manière ouverte, simple, gentille, etc. Alors peut-être, je vais faire une émission radio pour expliquer tout ça, que ce sera plus naturel, avec une autre voix, je ne sais pas. Et pour conclure, c'est beaucoup d'argent pour nous tous, commerciaux, artistes, bureaux, financiers, même collectionneurs. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'œuvres d'art qui vont passer d'un atelier d'artiste un peu reclus, en échec, qui vend pas bien, qui a des problèmes d'argent et qui pourtant sait faire de l'or avec ses mains. Ben, toutes ces collections, elles vont enfin vivre. Elles vont enfin être posées chez les clients, partout, en France, dans toutes les maisons. Ça va être de plus en plus beau. Les gens auront enfin, paf, paf, paf, paf, des tableaux pour pas trop cher, tout en sachant qu'ils gagneront de l'argent. Voilà, j'ai fait le tour, hein, grosso modo. Après, je reconclus une dernière fois, mais c'est que, après, quand la formule de base marche, comme il y a des gros gains, toutes les autres formules, elles sont possibles. Comme l'artiste qui dit, ah non, moi je voulais juste que vous m'exposiez, quoi. Bon, ben, votre travail est fabuleux, monsieur. On va vous mettre, on va vous louer cette galerie parce qu'on a beaucoup d'argent. Et on va voir quelle marge on peut faire, en quoi ça correspond à Art Valor. Éthiquement, monsieur, vous n'acceptez pas notre charte, mais quelle est la vôtre? Ben, si elle est jolie, on vous aide, et sinon, au revoir. C'est simple comme ça. Mais en fait, toutes les formules, après, sont envisageables parce que, une fois, même ouvrir une galerie d'art, ben, je préfère ouvrir une galerie d'art sur les frais, d'une société qui marche bien, que ouvrir une galerie d'art qui va être un gouffre financier pendant 10 ans, où on me dira au bout de 10 ans, ah, c'est bien, vous avez zappé toute la population artistique, vous en avez choisi 5 qui sont ceux qu'on a choisis nous-mêmes, et on va auto-spéculer les uns avec les autres. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Donc, mais bon, autant après, on générera tellement d'argent que évidemment, on ouvrira des galeries d'art qui vendront sur les conditions Art Valor. Ça, c'est évident. Quoi d'autre? Sais pas, mille choses, quoi. Après, quand on a des gros budgets pub, bon, on n'a plus à supplier. Grosso modo, on achète. Vous voulez exposer à la FIAC, vous voulez exposer au MoMA, vous voulez exposer au BAM, vous voulez exposer au Palais de Tokyo, au Louvre, vous exposez dans ces lieux-là et Art Valor ne vous le proposez pas? Bah si, parce que comme on aura les capitaux, vous nous le dites, tous les chiffres seront publics, au centime près, tous. Les tableurs seront visibles, la concurrence pour avoir la concurrence. Ils verront pas le nom de nos clients, ils verront pas des choses stratégiques capitales, mais par contre, tout le monde saura que quand un tel a vendu tel tableau, il y a 12 centimes qui sont allés pour le timbre pour payer un Telex. Ok? Tout. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que du coup, l'art créant de la finance va faire en sorte que la finance sera visible comme sur un téléviseur. On pourra tout voir. Ça, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Et puis, déjà, parce que ça ne nous met pas en péril que nos clients, la compétition. Juste, la compétition dira, ben putain, merde, c'est des génies, on veut faire pareil. Et là, nous, comme on aura de l'avance, au lieu d'attendre qu'ils le créent, on ira leur vendre des formules. On leur vendra des commerciaux qui sont spécialisés, qui savent enquiller tout de suite. On leur dira, ben voyez, nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui veulent acheter un clin, vous voyez. Mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a un client, on sait qu'il est prêt à mettre tout de suite 1 million d'euros pour 200 000 euros pour cette pièce, quoi. On fait quoi, monsieur? On vous donne le nom, on vous donne pas le nom, on négocie. Vous voyez, après, quand c'est un gros groupe, ce qu'on a inventé marginalement, on peut finance les actions classiques des autres marchands. Par contre, la base et la colonne vertébrale restent éthiques. Moi, je veux vraiment que les artistes qui se disent, mais merde, je fais des belles choses et je vais pas en vivre. Je veux que tous se disent, Ah bah maintenant, si j'accepte cette idée, nanani, nanana, je suis bien positif et que on va de l'avant, bah je sais que ça va marcher, bah je vais pouvoir en vivre, me développer et artiste, ce sera un métier et pas une revendication révolutionnaire baba cool où finalement on se baisse, on se casse le dos en ramassant les prix au kilo le plus bas, en ayant le moins cher, en ayant passé toute la journée en disant ah, l'argent c'est de la merde, j'en veux pas. Voyez. Que dire d'autre? Ah ouais, évidemment, si je suis assez apte pour créer dans l'univers financier, dans l'univers de l'art, sur Internet, on sera vraiment aussi une très très très belle innovation. Et également, on fera en sorte, oui, que la présence sur Internet, donc payer des bons réalisateurs pour faire un beau clip pour chaque artiste, grosso modo, c'est si le projet vient à la base de la douleur des artistes qui mouraient de faim et des commerciaux qui commencent à mourir de faim et qui se suicident réellement au jour d'aujourd'hui et que c'est très triste et on va éviter ça. Il vient aussi, je dois le dire, d'une autre réflexion, beaucoup plus ancienne. J'étais en France, toute ma vie je suis né là, et je me disais, mais ça doit être génial d'avoir son œuvre dans Art Press, comme ça, photo de l'artiste, son tableau. Je me suis dit, c'est génial, comment on y atteint? Bah, c'est la qualité, le travail et des gens qui t'acceptent, qui investissent en toi. Mais un jour, je suis allé au Vietnam. Au début, l'année 93, au début de l'ouverture du Vietnam, un des premiers métis avec des personnes blanches, quand ils voyaient des personnes blanches dans la rue, il y avait foule qui venait les entourer en disant mais ah, il les touchait, etc. Donc j'étais dans un Vietnam très communiste, très fermé, qui tout d'un coup s'ouvrait. Et là, je me souviens, je me suis dit, mais. Et j'ai regardé leurs artistes, j'ai regardé leur presse. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant parce que tous les artistes là qui sont dans la presse artistique vietnamienne, donc au sommet, logiquement, nationalement, dans les médias, au sommet, au top, tous ces artistes-là, c'est marrant, mais fondamentalement, j'ai assez de budget. J'y allais pour créer une société de vente de t-shirts. J'étais un peu jeune, vous voyez. Des t-shirts de graphe, de street art en 93. La société d'ailleurs s'est pas faite parce qu'ils m'ont fait chier sur les prix de fabrication. Mais passons. Je me suis dit, avec l'argent que j'ai, je fais 10 tableaux. Ben, j'ai suffisamment d'argent pour acheter de la pub dans tous les magazines pendant un an. Donc fondamentalement, m'auto-déclarer. Le grand artiste, un des grands artistes du Vietnam. Juste parce que j'ai de quoi payer la pub, payer les galeries pour exposer chez eux. J'ai, parce qu'ils étaient beaucoup plus pauvres et que j'avais un capital de société, je me suis dit, ben, en fait, c'est super simple, quoi. J'ai des moyens considérables. Voilà. Tous les magazines d'art vietnamien, ça coûte combien? 400 000 dong, 4 millions de dong. Ouais, ça fait 2000 euros, quoi, grosso modo. Bon, bah, 2000 euros par an, ça fait combien? Ça fait 20 000 euros? 24 000 euros? 24 000 euros? Il y a combien de magazines? Il y en a 5? Bon, bah voilà, je peux avoir une pub tous les mois, pendant un an, dans tous les magazines. Alors, en France, c'est beaucoup plus dur, parce que c'est beaucoup plus cher. Mais néanmoins, ça prouve aussi que tout le marché de l'art, la spéculation, etc., bah, c'est quoi? C'est aussi beaucoup cette aisance. Cette aisance que nous, nous nous apprêtons d'avoir. Voilà, j'ai fini. Ben, bonne chance à tout le monde. Et mille bisous. À bientôt.